ce parti unique était nécessaire. Si on avait, dès le départ, accepté le pluralisme, n'est-ce pas, des partis, chaque ethnie aura, n'est-ce pas, son parti. Ce serait, n'est-ce pas, la division totale. Au Dahomey, il y avait trois partis. Et les trois partis étaient répartis ainsi. Nord, centre, sud. Donc, cela faisait déjà distinguer les différentes régions. Ce n'était pas du tout l'unité. Ça ne faisait pas l'unité parce qu'on s'est combattu. Et malheureusement, n'est-ce pas, il y a eu des combats sanglants qui ont laissé des séquelles. Encore même, à l'indépendance, nous avions un parti d'opposition. Et ce parti d'opposition s'est éteint de lui-même, d'autant plus qu'ils avaient perdu les élections et que l'indépendance a été proclamée par une majorité importante qui s'est imposée. Voilà comment ça s'est éteint. Nous n'avons pas interdit, ça s'est éteint. Et oui, mais la Constitution l'a interdit. La Constitution, je ne crois pas. La Constitution n'a pas interdit. Je ne crois pas du tout. Non, si mes souvenirs sont exacts, je ne crois pas que la Constitution ait fait état de cela, n'est-ce pas? Je ne crois pas. En élaborant notre Constitution, on ne pouvait même pas penser qu'un jour, n'est-ce pas, le multipartisme, n'est-ce pas, devait être gênant. Puisqu'on n'a pas dit, on n'a pas pensé à ça, nous autres. On pensait que les choses allaient se passer normalement dans notre vie politique. Et je dis, et j'insiste à le dire, que moi, j'estime que si on arrive à avoir un parti unique qui l'est, n'est-ce pas, apparemment, mais dans lequel il y a ceux qui se disent de gauche, de droite, de centre, et qui sont élus librement, démocratiquement, cela fait l'unité du pays. Au micro de RFI toujours, en mai 1982, le président ivoirien en exercice, Félix Houphouët-Boigny, médite sur le bien fondé du parti unique dans son pays.